Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Aujourd'hui, les parents sont-ils responsables des dommages causés par leurs enfants ? Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leur enfant, mineur habitant avec eux. En effet, au titre de leurs prérogatives, ils doivent surveiller et éduquer leur enfant. Alors cette règle entraîne deux conséquences. La première est que les parents sont civilement responsables de leur enfant jusqu'à ses 18 ans ou 16 ans s'il est émancipé, mais non au-delà. La responsabilité des parents suppose donc la minorité de l'enfant. Elle ne peut donc pas être recherchée du fait d'un enfant majeur, et cela même s'il est handicapé. La seconde est que seuls les parents qui exercent leur autorité parentale sont responsables des dommages causés par leur enfant. Alors la victime d'un dommage doit-elle prouver une faute de l'enfant pour, par exemple, engager la responsabilité des parents ? Non, la responsabilité des parents est une responsabilité que l'on dit automatique. Peu importe l'existence ou non d'une faute commise par l'enfant, il suffit à la victime de prouver que le dommage qu'elle a subi était directement causé par l'enfant mineur. La responsabilité de plein droit des parents exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux peut être recherchée dès lors que le dommage invoqué par la victime a été directement causé, donc, par le fait, même non fautif, de l'enfant mineur. À savoir, le fait qu'un enfant blesse quelqu'un ou lui cause un dommage quel qu'il soit, alors qu'il est confié à un tiers, n'exonère en rien les parents s'ils ont ou conservent l'autorité parentale sur l'enfant. Certains parents peuvent en effet être tentés de se prévaloir du fait que leur enfant est, par exemple, en internat et qu'ils ne peuvent donc pas le surveiller. Cet argument n'est pas retenu par les tribunaux. La responsabilité des parents n'est pas fondée sur un défaut présumé de surveillance, mais bien sur l'autorité parentale. Alors, dans quel cas, les parents ne sont pas responsables des actes dommageables de leur enfant ? La mise en cause des parents ne repose donc pas sur l'idée d'une faute d'éducation ou de surveillance des parents, mais bien sur la nécessité de garantir les tiers contre les conséquences des actes dommageables commis par des enfants. Si vous êtes parent et titulaire de l'autorité parentale d'un enfant qui cause un dommage, votre assureur est obligé de plein droit d'indemniser la victime. Alors, il y a deux cas d'exonération. La force majeure, qui est définie comme un événement dit irrésistible et imprévisible, provenant d'une cause extérieure à l'auteur du dommage. Autant dire que cette cause d'exonération est rarement admise. Et puis, le second, c'est quand il y a une faute de la victime. En effet, cela vise le cas, par exemple, d'une agression commise par un autre enfant et votre enfant ayant riposté. La faute de la victime peut exonérer, en tout ou partie, le parent civilement responsable. Enfin, les parents sont-ils responsables pénalement des infractions commises par leur enfant ? Les mineurs, en fonction de leur âge, peuvent être pénalement responsables des infractions qu'ils commettent. Vol, tag ou haute dégradation, ou bien encore trafic de stupéfiants. De leur côté, les parents ne sont pas responsables pénalement des contraventions, délits ou crimes commis par leur enfant mineur. La responsabilité pénale est personnelle. Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Le cas serait bien sûr différent si les parents y ont une part active, par exemple en tant que complice d'une infraction commise par leur enfant ou encore en tant que receleur du vol commis par leur enfant. En revanche, c'est pour terminer, les parents peuvent être tenus pour civilement responsable des conséquences des infractions pénales de leur enfant, au même titre que vu précédemment. Cela signifie concrètement qu'ils peuvent avoir à indemniser la victime de leur enfant. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.